Alors, une première question ici. Daniel, tu as fait allusion à Krishnamurti. Quel rapprochement fais-tu entre ce qu'il a fait et ce que tu fais? Aucun. Krishnamurti, ben évidemment, il y a quelques rapprochements qu'on peut faire entre n'importe quel être humain sur la planète Terre. Krishnamurti a été l'un des premiers de notre temps à se libérer relativement totalement de tous les mécanismes d'assujettissement reliés à la psychologie évolutive de l'homme. Krishnamurti a été l'un des premiers à se libérer de ce que les antiques religions connaissent sous les terminologies de force satanique ou luciférienne. Krishnamurti a été aussi le premier qui a découvert que par la parole, on pouvait apprendre. Et c'est l'un des rares, il y en a eu deux dans l'évolution humaine, qui a été placé sur un piédestal majestueux, avec 800 000 fidèles. C'est un jeune qu'on a dressé, éduqué, programmé pour qu'il puisse un jour diriger ses fidèles. Et devant ses fidèles, il a carrément dissous l'ordre de l'Étoile d'Orient. Il a dissous tout ce qu'on avait constitué pour lui pour s'en aller seul en abandonnant tout ce qu'il avait. Et la majorité des êtres humains qui vont subir une initiation de la même grandeur que celle de Jiddu Krishnamurti vont manquer leur coup. Chaque fois qu'un être humain a la faculté d'exprimer de l'intelligence, il attire à lui beaucoup de personnes. Mais bien souvent, cet être qui parle va finir par se prendre au sérieux et va devenir un maître. Il va perdre la faculté de vie, donc de ce savoir instantané. Tandis que Krishnamurti n'a pas voulu garder des fidèles, garder des disciples, être le chef d'un ordre qui était déjà international avant même qu'on le lui remette. Il a simplement dissous. Alors Krishnamurti est l'un des deux rares personnages qui ont eu la possibilité d'avoir de la puissance donnée par l'être humain, par les forces sataniques, et qui l'a refusé. Moi, on ne m'a pas donné ce privilège de tester ma faculté de ne pas me prendre au sérieux. Krishnamurti a fait un travail de précurseur, tandis que moi, je fais un suivi. Je ne suis pas disciple de Krishnamurti, je suis disciple de moi-même, comme chaque être humain devrait être disciple de lui-même. Ce que je fais, je poursuis un travail au niveau de l'information intelligente à l'échelle planétaire, comme d'autres personnes ici au Québec, mais je n'ai pas de lien entre ce que lui a fait et ce que je ferai. La seule chose que l'on peut trouver comme rapprochement, c'est que lorsque Krishnamurti parlait, il exprimait un savoir instantané. Lorsque je parle, j'exprime aussi un savoir instantané. Quelles sont les interrelations entre l'intelligence spontanée et l'accumulation de connaissances intellectuelles, études universitaires, etc.? Comment vivre avec l'obligation de tout intellectualiser? On ne vit pas avec l'obligation de tout intellectualiser si on a la possibilité de se relier au savoir spontané. Regardez ceci, c'est un dilemme continuel et ce que je vous dis, ne le faites pas. Si une personne aurait la faculté, exempte d'ego, ce qui n'est pas le cas, si une personne aurait la faculté, exempte d'ego, de décider qu'elle s'en sort, alors, elle abandonne tout ce qu'elle a et elle s'en sort. Mais la majorité des êtres humains qui vont essayer d'abandonner tout ce qu'ils ont vont perdre tout ce qu'ils auraient pu avoir. Alors, ce n'est pas un mécanisme à essayer, mais on ne nous oblige pas. Dans le contexte où l'homme n'est pas capable de s'assurer d'un contact supramental, il est obligé de s'assurer d'un contact astral, d'un contact mémoriel. Tant que l'humain n'est pas capable de vivre ce savoir spontané sans avoir peur de le vivre, sans avoir d'incertitude face à la conscience supramentale, sans se demander si un jour celle-ci ne fonctionnera pas, si celle-ci va l'abandonner. Sachez que l'énergie intelligente n'abandonne jamais l'humain. C'est l'humain qui abandonne l'énergie intelligente. Et si un homme a le moindre parcelle d'ego, il abandonnera sur l'énergie intelligente à un moment donné de sa vie. Alors, Telle interrelation, aucune. Comment faire pour vivre les deux mécanismes? Il n'y a aucun problème. Lorsque l'homme doit intellectualiser, il intellectualise, sauf s'il est capable d'entrer en contact avec le savoir instantané. Alors il saura qu'il est en contact parce qu'il pourra même instruire son professeur. Si la personne n'a pas la faculté d'avoir un contact lorsque cela est nécessaire, elle se servira encore de ses mémoires. Répondre à cette question-ci, on pourrait dire dans certains contextes, fous donc tout ce que tu intellectualises en l'air et commence donc par t'occuper de ta vie immédiatement. Sauf que ce que tu intellectualises, si ça va être nécessaire pour te permettre de vivre, de gagner de l'argent au niveau de notre société, gagne de l'argent. Intellectualise. Et lorsque tu auras suffisamment de potentiel financier, disons juste un travail assuré, tu pourras commencer à cesser l'intellectualisation pour commencer à t'occuper de la conscience spontanée. On va dire, c'est bizarre de dire ceci, de dire que vous devez assurer vos bases matérielles avant d'assurer vos bases spirituelles ou avant d'assurer vos bases supramentales. Tout à fait normal. Parce que lorsque l'homme n'a pas de base matérielle suffisamment puissante, il se fait sucer en énergie par le bas, ce qui fait qu'il n'a même plus la faculté d'aller chercher le contact supramental. Pour l'instant, la grande majorité vont poursuivre ce qu'ils ont commencé. Et c'est le chemin. Sauf que la personne doit juste prendre conscience que la pensée est une forme très limitée. La pensée est un enseignement, c'est-à-dire qu'on a instruit la pensée que celle-ci était quelque chose. Qu'est-ce qui a peur de mourir? C'est la pensée. C'est la pensée qui a peur de la mort, pas la vie. Parce que la mort n'existe pas par rapport à la vie. Il y a une transformation radicale, une transformation qui n'est pas connue de la pensée. La pensée, c'est elle qui permet à l'homme d'être manipulé. Et la pensée, elle est instruite qu'elle a la puissance. La pensée permet la création de l'ego, donc de l'orgueil par la suite. La pensée est une forme de manipulation. La pensée, ce n'est que le reflet de ce qui habitait l'être humain réel et authentique avant sa descente sur le plan planétaire. La pensée est le reflet de l'intelligence. L'intellectuance, c'est le reflet de l'intelligence. Un jour, une forme énergétique qui ne porte pas de nom est apparue sur un plan plus densifié en temps et en espace, donc sur le plan planétaire, de façon à constituer une expérience pour lui-même. Il s'est pluralisé en esprit, donc dans différents corps, et pour se rappeler du fait qu'il était là. Et c'est important. Pour se rappeler du fait qu'il était là. Il s'est donné un mécanisme, l'ombre de l'intelligence, il s'est donné le mécanisme de la mémorisation. Il s'est permis de penser. Pensant, il se souvient. Se souvenant, il se rappelle qu'il a été. Se rappelant qu'il a été, il croit savoir qu'il est. La pensée, elle n'a comme stricte fonction que de faire dire à elle-même qu'elle est là. L'homme sait qu'il est là. S'il pense. Mais l'homme ignore totalement qu'il vit s'il ne pense pas. Et l'homme doit savoir qu'il est là parce que sachant qu'il est là, il aura automatiquement peur de ne plus être là. Ayant peur de ne plus être là, l'homme va immédiatement cheminer vers la recherche d'une consistance, vers la recherche d'une certitude qu'il saura éternellement qu'il est là. Même après la disparition de son corps physique, la psychologie, la pensée veut savoir si elle va pouvoir poursuivre sa pensée. Et ce mécanisme permet donc, oblige l'homme, oblige la femme, oblige l'humain, à créer des expériences qui vont servir de nourriture. De nourriture à la mémoire, de nourriture à ce que l'antique religion appelle les esprits sataniques, de nourriture à l'astral collectif, de nourriture à la société. La preuve que l'expérience vivante de l'homme sert de nourriture à la conscience psychologique de d'autres hommes, ce sont les journaux, les mass-médias. Vous lisez, ce qui s'est passé vous nourrit psychologiquement. Ça nourrit votre émotion, ça vous rend joyeux, ça vous rend triste, ça vous manipule. Et le fait que la pensée a la faculté d'être nourrie par la pensée fait que l'homme est sans cesse en recherche de moyens de s'exprimer. Alors l'homme peint. Il fait des peintures. Pour s'exprimer, l'homme crée de ce qu'il appelle des œuvres d'art. Pour s'exprimer, l'homme écrit. L'homme doit parler. L'homme doit rencontrer une oreille attentive. Pour s'exprimer, l'homme doit s'exprimer. Parce que dans l'expression de l'humain, il y a la nourriture de l'astral, il y a la nourriture de son âme, il y a la nourriture de l'expérimentation, il y a la nourriture de la pensée. Plus l'homme va exprimer, plus l'homme aura la faculté d'expérimenter. Et plus l'homme va s'exprimer dans l'expérimentation, plus l'homme va accumuler de la mémoire, nourriture pour sa propre pensée. Ces mécanismes permettent de créer une condition exemplaire au niveau d'une expérience galactique, celle de l'humain. L'expérience présentement vivante sur la planète Terre, disons l'expérience qu'on a un peu vue, qu'on a un peu couvert d'une façon science-fictionnante la semaine dernière, l'expérience humaine dans le plan planétaire est permise par le fait que l'homme peut penser. Pouvant penser, l'homme peut constituer sur le plan planétaire la réflexion authentique de tout ce qu'il a vécu et de tout ce qu'il ne vit plus. L'homme a la faculté par la pensée de reconstituer le cadre de sa propre divinité. C'est-à-dire que dans le contexte planétaire, l'homme ne sait pas. Mais l'homme perçoit. Alors l'homme recrée tout ce qu'il a connu, mais qu'il a oublié. L'homme va recréer un monde totalement ombragé d'un autre monde, celui d'où il vient. Mais pour que l'homme accepte de rester dans le monde qu'il va créer, il doit penser. Il doit premièrement penser qu'un jour il va s'en sortir, ce qui lui permet d'accepter d'être là. Il doit aussi penser. Penser qu'il est dans le monde qu'il veut quitter. Donc, il doit penser qu'il peut être sauvé ou qu'il peut se sauver. Incrustant et cristallisant chez lui le fait qu'il est médiocre et qu'il doit accepter sa condition. L'homme ne doit jamais accepter sa condition que dans un moment donné que j'appelle l'instantanéité. Mais on n'accepte jamais une condition à vie. On ne doit jamais accepter une condition à long terme, ni à moyen terme, et presque pas à court terme. On ne doit accepter une condition que dans l'instant présent. Exemple. Vous faites de la soudure, vous faites de la plomberie. Pour souder, vous avez des bouts de fil. Vos tuyaux sont tout sales, vous devez les nettoyer la laine d'acier avant de les souder. Acceptez-le. Parce que vous devez faire le travail. Mais acceptez-le pas comme étant un fait à court terme, à moyen terme ou à long terme. Demain matin, vous allez devoir vous équiper d'outils propres, de tuyauterie propre. L'homme ne doit jamais accepter à long terme, mais le mécanisme de la pensée fait qu'il accepte à long, moyen et court terme. Acceptant à long, moyen et court terme, l'homme accepte d'être ce qu'il croit être. Une espèce déchu, refusé d'un plan intelligent, l'homme accepte d'être ce qu'il croit être, un véhicule qui doit plaire à des dieux que lui-même a créés pour refléter l'endroit d'où il vient. L'homme qui a créé des dieux à son image et à sa ressemblance a simplement projeté dans un ciel ce que lui était, avant d'accepter de parcourir l'espace-temps, avant d'accepter de devenir matière. Et la pensée est un mécanisme qu'il se donne lui-même parce que la pensée lui permet, vu que l'homme n'a plus le contact avec l'intelligence spontanée, c'est-à-dire que l'homme qui avait une conscience galactique, c'est-à-dire que l'humain qui avait une conscience étendue, illimitée, lorsqu'il est venu au niveau du contexte planétaire, il devait perdre ce contact avec cette conscience, parce que l'homme ne serait jamais resté sur la planète Terre plus que l'instant d'un instant. Alors l'homme a pris une conscience localisée, une conscience permise par la perception sensorielle du corps physique qui va l'accueillir. L'homme prenant cette conscience minime se verrait totalement perdu s'il n'aurait pas la faculté de l'agrandir. Mais de l'agrandir à partir du contexte planétaire et non pas de l'agrandir à partir d'un contexte divin ou extraplanétaire. L'homme qui vient au niveau planétaire a la faculté d'agrandir sa conscience, d'étendre le champ de sa conscience. Mais ce champ de conscience ne doit être étendu qu'à partir de l'illusion créée par la vie terrestre. C'est-à-dire que lorsque l'homme, qui n'a pas suffisamment d'énergie intelligente pour comprendre son rôle et sa fonction dans l'univers, n'a pas le droit, n'a pas le privilège, il se l'interdit lui-même avant son incarnation ou sa terrestrification, il se l'interdit lui-même pour la simple raison que s'il aurait la conscience galactique, il pourrait, s'il reste au niveau planétaire, manipuler l'humanité pour en empêcher les expériences, ce que Lucifer a tenté de faire, et c'est pourquoi dans l'antique religion, on parle d'un être de lumière déchu. Alors l'homme se doit d'avoir une conscience plus vaste que la conscience localisée biologique, et cette conscience plus vaste qui va lui permettre d'accomplir de l'expérience au niveau planétaire pour connaître la matière. Cette conscience nouvelle, ancienne chez l'homme et nouvelle par rapport à ce qu'il a été, va être une conscience qui va être élaborée à partir du mécanisme de la mémorisation, du mécanisme de l'orchestration des mémoires, donc de la pensée. Alors l'homme descend sur le plan planétaire, il ne sait plus du tout où il est, ni d'où il vient, ni où il va. Et c'est normal parce que s'il saurait, il partirait. Alors l'homme est obligé d'avoir une conscience localisée, la biologie physique, qui fait qu'il veut téter à la naissance, qu'il fait qu'il défèque et il urine, qu'il fait qu'il vit. Alors l'homme doit maintenant, pour pouvoir accomplir de l'expérience planétaire de façon à créer le cadre de son propre évolution, le cadre de l'évolution non pas de l'homme biologique, mais le cadre de l'évolution d'un homme divin, c'est-à-dire d'un dieu humain. Alors l'homme commence à accumuler de l'expérience, il la mémorise, il l'orchestre, il pense sur sa mémoire. Parce que l'homme pense toujours sur sa mémoire. Pensant sur sa mémoire, l'homme observe l'extérieur et il dit « Je ne perçois pas plus loin. » Alors cette pensée permet un tissage autour de la périphérie de perception de l'homme. Et ce tissage va créer le cadre limité de la conscience humaine terrestre. Alors l'homme va dire « La réponse à mes questions sont ceci, et ça c'est le tissage qui fait que l'homme s'englobe dans une sphère qu'il va appeler sa conscience, sa vérité, sa réalité. Mais l'homme n'est pas un être totalement démuni de facultés intelligentes, même s'il n'a pas la volonté et la puissance de l'exprimer. Alors l'homme va communiquer avec d'autres humains de ses réponses qui créent autour de lui un halo, qui est sa conscience. Communiquant avec d'autres humains par la pensée, il finit par faire des compromis entre la sphère, entre la périphérie, de sa conscience. Il va être capable d'inclure quelqu'un d'autre dans sa conscience. Alors les deux vont s'allier ensemble, et plus il y aura d'humains inclus dans cette conscience, plus le champ de la conscience d'un seul être humain prendra de l'ampleur, jusqu'à créer des religions ou des sociétés. Alors l'homme a une conscience énorme, l'homme a une conscience sociétaire, l'homme a une conscience qui englobe le vécu de toutes les familles de sa société. L'homme a même une conscience qui lui permet d'englober la planète, ou une partie de la planète. L'homme a une conscience nationale, l'homme a une conscience planétaire. Par le fait des médias d'information et par le fait de la religion, qui, au-delà de la société, va être capable de s'étendre à l'échelle des continents, pénétrant même les autres sociétés. Mais on ne doit pas, par la pensée, arriver à créer un consensus, à créer une seule conscience. Donc, une seule religion ne peut pas exister sur le plan planétaire parce que cela obnubilerait la pensée de l'homme. L'homme ne lutterait plus. L'homme se confinerait dans cette conscience unitaire et l'homme s'oublierait sur la planète Terre, attendant sans cesse d'être sauvé. Alors, automatiquement, l'intelligence qui va constituer l'expérience de l'homme va obliger d'autres entités humaines à constituer d'autres cadres de conscience pour collectiver d'autres consciences humaines de façon à créer une polyreligiosité planétaire, de façon à constituer plusieurs religions, de façon à constituer plusieurs nations. Alors on aura le capitalisme, le communisme, le socialisme, etc. Alors on aura le shintoïsme, on aura l'hindouisme, le christianisme, le confucianisme, le bouddhisme, etc. Pour la simple raison que tant que l'être humain n'a pas fini l'expérimentation du temps et de l'espace terrestrifié, il ne peut pas s'assujettir à une conscience, à une seule conscience. Cela ne peut pas être. La pensée de l'homme, elle va donc susciter chez celui-ci la faculté de s'illusionner qu'il a raison, alors qu'il ne peut pas avoir raison. Lorsque l'homme va cesser de penser, lorsque l'homme qui a pensé va cesser de penser, il aura ce contact instantané, parce qu'il aura maintenant la faculté énergétique de supporter le savoir. Alors là, seulement l'homme, la femme, saura d'où il vient, ce qu'il a à accomplir, et il pourra le comprendre, il pourra l'intégrer, il pourra le cellulariser. Alors l'homme qui va comprendre maintenant d'où il vient, ce qu'il fait, restera pour le faire. Tandis que chez l'être ancien, celui qui pense, s'il le sait, il veut fuir. La preuve qu'il veut fuir, alors on va dire à l'homme, ne fais pas ceci, parce que tu n'iras pas au paradis. N'importe quel être humain présentement sur la planète Terre, si quelqu'un, si un esprit, si un Dieu, si moi ou si quelqu'un d'autre vient le voir et lui dit, si tu dis oui, je te permets d'être sauvé immédiatement. Alors il dit oui. Et c'est pour cela que l'homme, que l'humain pense. C'est pour cela que l'homme pense. Pour ne pas avoir la faculté de savoir, on l'oblige à essayer de comprendre. Tu veux que je fasse un show? Parfait. On a un véhicule automobile qui est placé devant une porte de garage de cette bâtisse. Et il y a un autre véhicule automobile derrière la porte de garage. Et ces deux véhicules sont en conflit présentement. Un grand Le Mans Marine. Alors, je crois que ça répond à la question. Il est important que vous ne vous gêniez pas, justement, si vous avez des questions posées au fur et à mesure, vous les amenez. À quoi ça sert de s'instruire si ce n'est que pour nous retarder? À quoi sert d'instruire l'homme de vos sujets car il n'en retirera que des pensées? Je ne suis pas certain que le monde aurait dépassé le temps de Cro-Magnon s'il n'y avait pas eu la connaissance pratique scientifique. Je ne sais pas si c'est la même personne qui pose les deux questions, maintenant je le sais. Elle a répondu! À quoi sert d'instruire l'homme de vos sujets, car il n'en retirera que des pensées? À quoi nous a-t-il servi de s'instruire, si ça n'a été que de nous retarder? Je ne suis pas certain que le monde aurait dépassé le temps de l'homme de Cro-Magnon s'il n'y avait pas eu la connaissance pratique scientifique. À quoi ça sert? Mais à ça! Ça l'a servi l'homme! Ça l'a servi l'homme d'une façon terrible! Ça l'a permis à l'Australopithèque de devenir, comme tu disais, l'homme des tavernes après l'homme des cavernes. Ça l'a permis à l'humanité de devenir un véhicule suffisamment puissant pour maintenant avoir la possibilité de cesser de penser. Je ne peux pas aller voir une personne dans un pays sous-développé et lui dire « ne pense plus ». Non, si elle ne pense plus, elle va mourir. Parce qu'elle n'a pas la faculté d'exprimer un savoir spontané. Je veux dire à la personne, ne penses-tu pas qu'il y aurait ceci, ceci, ceci, ceci de possible? Et je m'en vais. Et la personne va penser. Et elle va faire ce qui est écrit ici. Elle va évoluer au niveau scientifique, au niveau pratique, au niveau psychologique, au niveau pragmatique, au niveau spirituel, de toutes les façons. Jusqu'au jour où la personne commencera à penser à des choses qui vont commencer à lui nuire. Lorsque la personne va commencer à se poser des questions qui vont même l'amener au suicide, parce qu'on n'a pas de suicide dans les pays sous-développés. On en a beaucoup dans les pays industrialisés. Lorsque la pensée va commencer à la bloquer, lorsque la pensée va commencer à l'empêcher d'être. Alors là, il faudra imprimer dans la pensée de cette personne l'idée, la pensée, que la pensée est un couteau à deux tranchants. À quoi sert d'instruire l'homme de vos sujets, car il n'en tirera que des pensées? C'est totalement faux. Le travail que je fais ne permet pas à l'homme et à la femme de n'en retirer que des pensées. Totalement faux. Certains vont penser, mais plusieurs n'arriveront même pas à retenir les trois quarts de ce que j'aurai dit. Et la grande majorité vont transformer leur vie à un moment donné, et ce n'est pas parce qu'ils auront pensé ce que j'aurai dit. Parce qu'on ne transforme pas sa vie par la pensée. On transforme sa vie lorsqu'énergétiquement quelque chose nous habite. Et si cela vient se réfléchir au niveau de votre pensée en plus, c'est pas grave. Lorsque l'homme va commencer à penser, lorsque l'homme va commencer à fouiller dans ses mémoires pour retrouver les moments où il a été capable d'être totalement efficace sans souffrance, lorsque l'homme va être capable de retrouver dans sa mémoire les moments où il n'a pas pensé, il va être capable de penser qu'un jour il ne pensera plus et cela ne lui fera pas mal. Prenons un autre exemple. Est-ce que c'est nécessaire de penser pour régler un problème? Chez l'homme ancien, chez la femme ancienne, oui. Mais ce n'est pas nécessaire. C'est une faculté perdue de l'homme ancien que de ne pas être capable de régler un problème parce que le problème doit être réglé. Alors l'homme pense. Un jour, j'étais dans un atelier. Et on était à construire quelque chose à partir de concepts nouveaux, sans outils, sans argent, et il fallait y parvenir. Et la majorité des personnes relativement qualifiées dans certains domaines de menuiserie restaient ébahies devant certains problèmes. Ils n'arrivaient pas à trouver de solution. Alors ils venaient me voir et ils ne me demandaient rien, ils me disaient carrément, on ne peut pas. « Faudra acheter ceci, cela, cela, cela, et puis même là, un jour, on aura le problème. Faudra faire fabriquer spécialement les outils pour arriver à faire ce qu'on veut faire. » On n'a pas d'argent et c'est moi qui administrais. Alors, je descendais dans l'atelier, je m'assoyais devant le problème, je l'observais. Je ne pensais pas. J'observais. Et soudain, la solution paraissait. Alors, j'expliquais la solution et je m'en allais. 3 semaines après, on revenait. Oui, ça a fonctionné, mais là, maintenant, ça ne fonctionne plus. Je redescendais en bas, j'observais. Je ne pensais pas. J'observais. Paf! Vous faites ça, ça, ça, ça, ça, ça. Ah, c'est génial. Pas génial, c'est normal. C'est une solution. Une solution, c'est pas génial, c'est normal. Souvent, même l'homme qui pense, et même l'homme qui vénère sa pensée, va arriver à solutionner un problème sans y penser. Parce qu'il a la faculté à ce moment de se relier à un savoir instantané. Et lorsque l'homme a la solution, se fout royalement d'où il l'a pris, il s'en sert, il dynamise, il est content, c'est son idée. Ce n'est pas son idée. C'est une idée que lui a captée et qu'il va exprimer. Une minuscule parcelle de l'idée. Dans l'Antiquité, la pensée a été nécessaire pour permettre la constitution du cadre d'évolution, je l'ai dit. Alors, ça précise ce qui est écrit ici. Je ne suis pas certain que le monde aurait dépassé le temps à Cro-Magnon s'il n'avait pas eu la connaissance pratique scientifique. Voilà à quoi a servi la pensée, à constituer le cadre de l'évolution. Il n'est pas totalement constitué, l'homme va encore y penser suffisamment. Et lorsque l'homme aura pensé suffisamment à la peur de mourir et qu'il aura peut-être cristallisé la mort en nucléaire chez lui, alors, à un moment donné, l'homme va cesser de penser pour commencer à vivre. Il faut bien comprendre que l'être humain, avant qu'il pense, ne vivait pas. Il pensait, mais il ne le savait pas. Aujourd'hui, l'homme pense et il le sait. Alors, seul l'homme qui pense et qui le sait. Et ne venez pas me dire que toutes les personnes de la société le savent qu'ils pensent. C'est faux. Il y en a même qui ne savent même pas qu'ils vivent. Lorsque l'être humain sait qu'il pense, il est capable de voir la limite de sa pensée. Alors là, il a le potentiel pour changer d'école. Après l'université, il va passer à la vie. Là, maintenant, il a le potentiel pour découvrir qu'il est capable de ne pas penser. Et de ce fait, à être encore plus en affinité avec la vie. Il n'y a plus de problème. Stan, pensez-y bien. Daniel, tu as la faculté de te relier d'une façon volontaire au savoir instantané. Quelles sont les étapes pour ce faire? Parce que si on parle, on se relie involontairement quelques instants à ce savoir, mais en vient-on à un tel discernement qu'on se connecte à son gré? Faut-il avant l'élimination de l'ego? La première chose qu'il faut comprendre, c'est la première partie de la question. Tu as la faculté de te relier d'une façon volontaire au savoir instantané. Je réponds à cette personne. Donc les autres n'écoutaient pas. Est-ce que la manière dont la pensée a structuré cette question, parce que c'est une question structurée par la pensée, parce qu'elle commence déjà par se placer dans un cadre qui n'est pas réel. Elle se dissocie de mes possibilités et elle applique sur la question qu'elle ne les a pas, mais que moi je les ai. Donc, elle me place sur un piédestal. Et si la personne qui a posé la question dit non, c'était que ce n'était pas nécessaire d'écrire, tu as la faculté de te relier d'une façon volontaire au savoir spontané, pour poser la question suivante, quelles sont les étapes pour se relier au savoir spontané? Parce que si on parle, on se relie involontairement quelques instants à ce savoir, mais en vient-on à un tel discernement qu'on se connecte à son gré? Faut-il avant l'élimination de l'ego? Ce n'était pas nécessaire de poser la première partie qui venait justement de l'ego. Si la personne ne fait que poser des questions et observe, j'ai déjà dit, on a déjà dit avant moi, mais tout le monde s'en fout, que dans chaque question, il y a la réponse. Une grande partie de mon savoir instantané vient du fait qu'on me pose des questions. Tout à l'heure, c'est ce que j'ai dit. Parce que moi, j'ai la faculté d'interpréter l'intelligence de l'homme ou de la femme qui pose la question. Ce que elle se refuse. Je prends la question, j'écoute la question ou je lis la question et la réponse, elle est dedans. Alors, je dis la réponse. Et on me prend pour je ne sais quoi. Les étapes pour ce faire? L'exprimer. Quand est-ce l'homme devient-il intelligent? Ben lorsqu'il devient intelligent. C'est sûr que le gars qui parle comme ça, mais qui peut être intelligent, il peut être drôlement intelligent. Sauf que s'il veut rester comme qui est, puis devenir intelligent, pourquoi pas. Vous voulez conserver vos mémoires et rester ce que vous êtes, vous allez réussir. Vous allez rester ce que vous êtes. Vous ne serez pas mieux. Il faut être prêt à abandonner. Les étapes, on en a déjà parlé dans certaines conférences, les étapes pour arriver au savoir spontané, au savoir instantané, premièrement, elles ne sont pas les mêmes pour chacun des êtres humains évoluant sur le plan planétaire, parce que l'expérience doit être différente. On est ici pour constituer de l'expérience. Une expérience galactique qui n'a rien à voir avec l'expérience égoïque. Certains vont parvenir à ce contact avec le savoir spontané en tout dernier. La grande majorité vont y parvenir en dernier, mais ce ne sera pas décidé par vous-même. Vous ne déciderez pas quand vous aurez ce contact. Une chose qui est certaine, c'est que le fait d'être venu ici ce soir pour entendre parler de l'intelligence spontanée est déjà une forme de sélection que vous vous êtes donnée. Les personnes qui, ici ou ailleurs, entendent parler, ce sont des personnes qui déjà se dirigent vers ce savoir spontané, à leur insu ou à leur su. Certains vont passer par des souffrances mentales. Certains vont passer par des formes initiatiques créées par l'intelligence. Parce que dans les premiers temps, certains êtres humains, alors contre leur gré, vont être obligés d'être intelligencés pour la simple raison que cela se doit d'être fait. Quelles sont les étapes? Ça ne regarde plus personne. Une chose est certaine, c'est que la seule chose que présentement l'homme ancien, l'homme transitif, peut se servir comme étape pour arriver à ce savoir spontané, et celui de ne pas se prendre au sérieux, celui de faire sérieusement le travail qui doit être fait, c'est-à-dire celui d'être capable d'assumer son savoir, c'est-à-dire celui d'être capable d'assumer ses opinions, c'est-à-dire celui d'être capable de prononcer l'opinion, d'observer l'opinion et de la changer même devant le visage d'un autre, même si l'autre va dire « crime, change d'opinion comme il change de chemise », ça n'a aucune importance. Parce que certains ne changent pas d'opinion comme ils changent de chemise, et même certains ne changent pas de chemise non plus. Ils gardent toute leur cristallisation parce qu'ils sont convaincus qu'ils savent. Battez-les à mort et observez ce qu'il vaut, ce gars qui sait. Il ne vaudra pas plus qu'un autre. L'étape, pour l'instant, ne pas se prendre au sérieux. Cela veut dire être capable d'accepter ce savoir instantané. Cela veut dire être capable de répondre. C'est intelligent ce que je viens de dire. Mais c'est pas ça pantoute. Fait qu'on recommence. Les autres vont dire « crime, c'est un fou ». Puis après, ça va changer quoi dans votre vie que les autres pensent que vous soyez fou ou folle? Rien. Parce qu'à un moment donné, ce que vous allez dire, le fou ou la folle, ils vont s'en servir parce que ça va être brillant. Intelligent. C'est la première étape, elle est facile. Mais ça demande un agenouillement de l'ego. Ça demande un agenouillement de l'ego. C'est le début. C'est déjà souffrant pour plusieurs. Et c'est assez. La pensée en soi n'est pas dommageable. C'est l'émotion créée qui l'est, n'est-ce pas? Encore une fois, une réponse dans la question. Alors, c'est répondu. Peux-tu expliquer la différence entre penser et réfléchir? On les a les questions. Réfléchir, penser, c'est la même chose. Sauf que la pensée est inclue dans la réflexion, tandis que la réflexion n'est pas inclue dans la pensée. Dans deux conférences, l'une, j'ai oublié le titre, l'autre, c'est les mécanismes de la réflexion. Facile à retenir, vu qu'on parle de réflexion. J'ai suffisamment expliqué le mécanisme de la réflexion. Réfléchir veut dire être capable de faire en sorte qu'une énergie particulière puisse être réfléchie, comme dans un miroir. Et l'homme, ce qui sert de panneau de réflexion est la conscience de l'homme. Alors, l'ego, vous êtes capable de prendre connaissance de vos mémoires qu'à la condition qu'elle soit réfléchie dans la conscience. Alors, étant réfléchie, elle apparaît dans la conscience. Lorsqu'une image est réfléchie dans un miroir, l'image est dessinée dans le miroir. Le miroir est la conscience de l'homme. Ce qui est réfléchi dedans est conscientisable par l'humain. Il est perceptible par l'humain. Il réfléchit. Lorsque l'humain réfléchit émotivement, il n'y a que des émotions chez lui. Lorsque l'humain réfléchit au niveau mémoriel, il pense. Lorsque l'humain réfléchit au niveau supramental, il réfléchit encore. Mais il intelligencie. Il ne pense plus. C'est la différence entre la pensée et la réflexion. Une personne ici qui dit « J'ai un sens de l'humour axé sur la spontanéité. » Je possède la facilité d'exprimer des jeux de mots qui me viennent à l'esprit sans que j'y pense. Si je me force intérieurement à dire des phrases des phrases et l'humour subtil, j'échoue complètement. Suis-je branché à une énergie active ou une expérience réincarnative ? Une bonne farce. Bon, là, vois-tu, le fait d'être capable d'avoir des jeux de mots suffisamment orchestrés pour être drôle, parce que l'homme nouveau, la femme nouvelle sont des êtres qui vont rire. Pas de l'homme ancien, mais qui vont rire d'eux, qui vont avoir du fun, qui vont s'amuser. Les jeux de mots sont faciles seulement lorsque l'énergie mentale d'un être humain est suffisamment élevée en vibration pour pouvoir commencer à orchestrer la parole. Alors là, on dit qu'il a un esprit subtil. Il n'a pas d'esprit subtil, mais il a un mental subtil. L'esprit, c'est autre chose. Si une personne est capable d'avoir des bons jeux de mots, à peu près n'importe quand, c'est qu'elle a une énergie mentale relativement évoluée, développée. Donc, elle a la faculté immédiate ou très proche d'arriver à ce contact avec l'intelligence spontanée. Il faut remarquer que certaines personnes répètent les farces. Ce sont des farceurs. Ceux avec qui on ne peut pas avoir de discussion sérieuse parce qu'ils sont toujours en train d'essayer de vous conter une farce. Ceux-là sont reliés à leur mémoire. Ceux-là sont reliés aux mémoires des autres. Ils n'ont rien à voir avec la faculté du mental d'innover instantanément dans la parole pour créer des vibrations plaisantes. Je pourrais passer, d'ailleurs on l'a déjà fait avec une conférence sur l'humour dans l'évolution, je pourrais vous faire passer 2 heures de drôlerie, où on s'amuserait. Mais énergétiquement, il ne se passerait pas la même chose. Alors de temps en temps, on met quelques farces, mais je dois me retenir souvent pour ne pas rire. Et il y a même de temps en temps, certains le savent, parce qu'ils comprennent, où je pousse une petite craque, je ris intérieurement, mais elle est trop subtile. Elle n'est pas tellement compréhensible. Plus l'homme va se conscientiser d'une façon écologique, plus l'homme va prendre plaisir à la vie et plus l'homme va prendre plaisir à rire. La personne donc, en l'occurrence Serge, qui a la faculté d'avoir de bons jeux de mots, il a donc la faculté aussi de se relier à l'intelligence spontanée. Et lorsqu'il sera relié à l'intelligence spontanée, il ne fera pas de jeux de mots. Et il aura une énergie différente dans sa parole. Présentement, il a un bon mental. Qu'est-ce que l'ajusteur de pensée? Est-ce que tu as d'autres questions avant? Que connaissez-vous de la légende du phénix? Je peux connaître beaucoup de choses. On pourrait, disons que je n'élaborerai pas sur le phénix, on pourrait parler de pourquoi elle a été instaurée au niveau de la mythologie. On pourrait parler aussi de ce qu'elle a voulu enseigner à l'homme. Certains vont dire la réincarnation, alors je pourrais parler de tout ce qui a été compté au niveau du phénix. Certains pourraient parler de la réincarnation, on pourrait parler de la vie après la mort, on peut aussi parler du fait que l'homme qui arrive sur le plan planétaire est là pour un passage et dans une initiation par le feu, il va renaître. On peut parler de plusieurs choses au niveau du phénix. C'est un enseignement mythologique qui a été donné à une entité particulière de l'époque, à une race particulière de l'Europe. Et disons qu'on pourrait élaborer une conférence complète même sur le phénix, ce qui n'est pas intéressant. Chose qu'on doit comprendre, c'est que la mythologie du phénix a été donnée à l'homme. D'ailleurs, toutes les mythologies ont été données aux humains par des intelligences, de façon à orchestrer un peu, de façon à permettre la réorchestration dans le contexte matériel de ce que l'homme pourrait ou de ce que l'homme a vécu avant d'être humain. Évidemment, c'est coloré. Évidemment, c'est charrié. C'est-à-dire que c'est adapté à l'humain. Si on prend l'exemple de ce que c'est une mortalité, parce que le phénix est un enseignement alchimique. Si on prend l'exemple d'une mortalité, où tout doit être condensé, pourri, coagulé, et suite à la coagulation, on va resubtiliser tout ce qui a été coagulé pour en ressortir une nouvelle essence. Nouvelle, supérieure, meilleure, plus forte. C'est ce que la mythologie ou la légende du phénix tend à enseigner à l'homme. La personne qui me pose cette question doit donc avoir suffisamment de connaissances au niveau du phénix pour comprendre mes réponses. Sinon, il faudrait qu'elle restructure sa question sur un papier et on pourrait en parler. Une chose qui est certaine, c'est que si elle veut simplement vérifier ma faculté de parler du phénix, je ne veux pas qu'elle vienne me voir après la conférence et on pourra en parler 2 jours de temps. Mais ce ne serait pas intéressant dans le sujet présentement de parler du mystère du phénix. Il va y avoir un séminaire le 5 et 6 avril prochain ici sur l'homme nouveau. Est-ce qu'on peut savoir ce qui va se passer à ce séminaire? Bon. La chose, disons, la plus importante d'un séminaire que je vais faire, je le fais pour une raison. Et la raison, je fais ce séminaire pour la seule et unique raison de me permettre de rencontrer des personnes qui ont la faculté d'arriver à ce savoir spontané. Donc, dans un séminaire, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que je vais entrer en contact avec les personnes individuellement et je vais entrer en contact non pas seulement avec leur ego, mais avec leur mental. Et je vais aussi entrer en contact avec d'autres personnalités qu'ils ont chez eux. Et ce que je fais dans un séminaire, c'est que je m'arrange pour que ces personnes consciemment puissent découvrir les entités qui les habitent, c'est-à-dire qu'ils puissent eux-mêmes prendre contact avec ce avec quoi moi je vais prendre contact. C'est-à-dire que dans un séminaire, la personne pose des questions, on est 2 jours de temps à se parler, et selon les questions qu'elle va daigner vouloir poser, elle aura les réponses énergétiques de sa condition. Normalement, dans un séminaire, la personne en ressort légèrement bouleversée, c'est-à-dire qu'elle n'est pas bouleversée dépressive. Elle est bouleversée constructive. Mais elle est brassée. Elle est insécure, sécure. Elle doute sans douter. Elle ne comprend plus parce qu'elle est neuve. Alors, dans un séminaire, la première chose que l'on va faire, c'est qu'on s'arrange pour que la personne augmente son taux vibratoire d'une façon suffisante pour qu'elle arrive elle-même à sa compréhension. Et c'est ce qui fait peur dans un séminaire. La personne, elle va coucher chez elle la première nuit. Rares sont ceux qui vont dormir toute la nuit. Et lorsqu'elle revient le lendemain, elle a découvert de quantités de choses chez elle. Je ne fais pas découvrir. Mais dans un séminaire, la personne peut arriver à se relier. C'est facile, vous savez, de se relier. Combien de temps le contact va durer, ce n'est pas important. Lorsque l'ego a expérimenté le contact, il sait c'est quoi. Alors il saura où chercher et il saura aussi quoi laisser tomber. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe différentes choses, des ajustements au niveau étymologique, mais le grand fondement du séminaire sur l'homme nouveau, ou sur l'être nouveau, est surtout de faire en sorte de brasser ce qui, à l'intérieur, empêche l'humain d'arriver à ce contact spontané. Toute l'orchestration, d'ailleurs, du programme Être Contrôleur est axée sur la libération de l'homme de ce qui l'empêche d'être. Alors, évidemment, le séminaire est aussi axé sur ce phénomène. Alors, c'est un séminaire intensif, c'est-à-dire que les personnes passent plusieurs heures en compagnie d'eux-mêmes et de moi-même, et lorsque le séminaire est fini, pendant quelques semaines, la personne va être dans cette énergie où elle aura la faculté de pouvoir comprendre. Ceux, de toute façon, qui veulent avoir de l'information sur le séminaire, donc la personne qui pose la question, elle n'a qu'à rencontrer d'autres personnes qui ont fait le séminaire. Je crois que c'est la meilleure façon de savoir comment ça se passe et qu'est-ce qui se passe. Alors, le prochain séminaire va être un peu plus dynamique, étant donné qu'aucun des séminaires est le même. On pourrait dire que plus vous attendez, plus vous aurez un séminaire qui sera bon. Je sais que je vends toujours mal. C'est ça, le savoir spontané. On dit ce qu'il y en est. Et c'est aussi pourquoi, intelligemment, là, je vais vendre bien. La personne qui fait le séminaire une fois peut le refaire n'importe quand sans que cela lui coûte un cent. Alors donc, le prochain séminaire est un séminaire qui va être relativement dynamique. Cela veut dire que les personnes auront donc la... C'est ça, ceux qui veulent à un moment donné faire un travail sur eux qui sera convenable, qui sera brassant, qui sera rapide, qui sera dynamique. Pas une cochonnerie où tu sors de là et tu sais pas trop si, en fin de compte, ça valait la peine. D'ailleurs, la personne qui ne sait pas trop, il n'y a pas de problème, ça ne lui coûte absolument rien, ce séminaire. Parce qu'on le sent, on le rembourse. Mais ceux qui... Et ça, c'est important parce que pendant longtemps, je filtrais ceux qui faisaient le séminaire, c'est-à-dire que je les rencontrais avant pour les éliminer. Disons que, de plus en plus, les conférences étant ce qu'elles sont, les personnes sont de plus en plus préparées. Alors, on n'a plus besoin de filtrer. Mais plus on a un public qui est préparé, les conférences sont relativement plus hautes. Le séminaire est aussi beaucoup plus intensif. Les personnes qui sont intéressées à faire un travail ou à se faire travailler par eux-mêmes, sur eux-mêmes, c'est ça qui se passe dans le séminaire. Y a-t-il un rapport entre la pensée instantanée et l'énergie canalisée par la pyramide? Non. Je continue pas la question. Je ris pas de la personne. Non. Je ris des relations qu'on va faire. OK. Est-il bon à l'humain de s'exposer à l'énergie canalisée par la pyramide? Est-ce que c'est la dernière question? Non, il y en a encore deux, trois. Ben, il y en a une qui dit « Je ne peux pas poser de questions, je suis obligé d'y penser. » Ça fait que là, ça s'est réglé. L'autre qui dit « J'ai une question, mais elle est hors sujet. » Remarque qu'elle n'a sans doute pas dû penser à ça en l'écrivant. Et elle l'a écrit parce qu'elle trouvait ça plaisant. Et c'est tout à fait plaisant. C'est impeccable. Et il y a de quoi écrire un livre. Et ça, elle n'y a pas pensé non plus. Avec des pages blanches, ça a déjà été fait, ça. Oui, quand j'étais jeune, je voulais écrire un livre. C'était « Comment faire du vol à l'étalage ». Et à l'endos du livre, j'expliquais comment voler le livre. Je me suis dit, il n'y a aucun libraire. C'est vrai, je me souviens de ça, il y a très très longtemps. Mais je me suis dit, il n'y a aucun libraire qui va vouloir le tenir en librairie. Parce qu'il va devoir le payer puis il ne le vendra pas. Le savoir instantané, l'énergie canalisée par la pyramide, y a-t-il un rapport? Non. Et oui. Je disais non et oui. L'énergie pyramidale est un concentrateur d'énergie vitale qui a la faculté et la fonction de réorchestrer l'énergie vitale d'un corps physique de façon à le conserver mémoriellement intact. Cela veut dire que l'énergie d'une pyramide est là pour fonction de réinstaurer la mémoire d'un corps vital. Quelqu'un est malade, ça peut guérir. On met une plante, elle va pousser mieux. On met une lame de rasoir qui a été désaffûtée, elle va retrouver son tranchant. La mémoire primordiale après la fusion du métal va être réinstaurée sous la pyramide. Et une fois que cela est fait, l'énergie pyramidale a pour fonction, une fois qu'elle a réinstauré, de conserver la mémoire de cette chose. Elle momifie. Cela veut dire que lorsque est-il bon à l'humain de s'exposer à l'énergie canalisée par la pyramide, s'il veut être momifié, oui. C'est intéressant pour les morts vivants, ça. D'ailleurs, la majorité, oui, il y a plusieurs hommes anciens et femmes anciennes qui recherchent l'énergie momilisante d'une pyramide. L'énergie pyramidale, on la vante parce qu'elle a des effets scientifiquement visibles. Mais on ne comprend pas pour la simple raison qu'on ne peut, hélas, au niveau de l'homme et de l'être ancien, se fier qu'à l'expérience permettant la pensée. Alors, on pense. Et c'est correct. C'est normal. Un jour, l'homme fera mieux. La femme fera mieux. Ne pensera plus. Alors là, elle saura. Elle saura que si elle dort en dessous d'une pyramide, lentement, son énergie psychologique va être rabaissée en vibration. Toute l'évolution qu'elle a eue va être éliminée lentement, graduellement, parce qu'on veut réinstaurer le cadre primaire. Elle est malade, elle peut retrouver la santé. Elle est en santé, elle va commencer à perdre de la vitalité. Elle va commencer à avoir des cauchemars si elle dort sous une pyramide. Elle va commencer à avoir des problèmes. Elle va commencer à perdre en vibration parce qu'on la reconstitue comme elle était à l'origine. Donc, l'énergie pyramidale, génial, si on veut s'en servir comme silo. On place des grains dans un silo, sous une pyramide. Ces grains vont être reconstitués au niveau vital et ils vont être momifiés. Lorsqu'on va prendre le grain et le planter, même 150 années, 200 ans, 1000 ans après, ça va pousser. Si on regarde... Oui. C'est intéressant de mettre des graines pour faire du pain dans 2000 ans, c'est intéressant. Ouais, effectivement, on a un personnage que tu connais qui a fait cette expérience, qui a trouvé des grains de blé dans la pyramide de Khéops et qui les a plantés. Et la germe de blé, que d'ailleurs je l'ai vu derrière chez lui, on était rendu... Il y avait de la neige et ça poussait toujours. Bon. C'est un très bon... D'ailleurs, il a fait du pain avec. Du pain égyptien. Lorsque l'humain voudra s'exposer sous une forme qui dégage un onde de forme, qui va amener une vitalité convenable, qui va permettre non pas de momifier, mais qui va permettre de réinstaurer l'énergie vitale, qui va permettre l'harmonie chez l'être humain, l'énergie vitale qui est une forme planétarisée de l'énergie supramentale, donc c'est la seule relation qu'il y a entre l'énergie amenée par la pyramide, qui condense une forme d'énergie vitale, qui est de l'éthérique planétaire, tandis que l'énergie supramentale est de l'éthérique supramentale, donc de l'éthérique extraplanétaire. Et la forme qui de plus en plus va être amenée au niveau de l'humain est une forme qui ne peut être construite que par une énergie mentale suffisamment orchestrée, donc qui n'a jamais pu voir naissance à l'intérieur de psychologie pensante conventionnelle, c'est-à-dire reliée à l'émotivité. Et ce sera la forme de dôme. Lorsque l'homme sera capable de constituer des dômes suffisamment grands, il aura la faculté d'être pacifié, la faculté d'être réénergisé, à la condition qu'il n'entre pas un culte à l'intérieur de son dôme. La forme domique, elle a la faculté d'augmenter l'état dans lequel un être humain se trouve. Vous êtes spiritualisé dans une forme en dôme, vous allez vous spiritualiser. Vous voulez être relié à un savoir spontané dans une forme domique, vous allez vous relier à un savoir spontané. C'est-à-dire que cette énergie vitale, elle est capable non seulement de réharmoniser la pathologie chez un être humain, mais elle a aussi la formidable fonction de permettre à l'être humain d'augmenter ce qu'il fait. Donc, c'est un couteau à double tranchant. Vous êtes déprimé, dans un dôme, on va vous déprimer. Vous êtes joyeux, dans un dôme, on va vous rendre joyeux. Et c'est pourquoi aussi les antiques églises ont toujours eu des coupoles en forme de dôme, mais ils n'ont jamais pu en constituer des immenses parce que la technologie ne le permettait pas. Et la technologie ne le permettait pas parce que l'énergie mentale des humains de l'époque n'était pas suffisamment énergisée. Alors, l'être humain qui pénètre dans une coupole, dans une vieille église, s'il est spirituel, se spiritualise. Dans l'avenir, de toute façon, la construction domiciliaire va aussi être transformée. La pyramide, comme grenier, comme réinstaurateur de certaines choses. Mais c'est un outil dangereux pour l'homme. Je posais la question, moi, si je vais mettre ma belle-mère sous un dôme ou dans une pyramide, je vais choisir la pyramide, parce que si ça, le dôme fait accentuer que c'est défaut, je suis bien parti. En tout cas, tout ce qui touche à l'Égypte, ça m'intéresse beaucoup. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je fume des cigarettes du Nil, justement. Une dernière question ici, parce que la dame ou la personne, en tout cas, a un problème qui l'empêche de dormir. Je voudrais que tu lui expliques ce phénomène. Dans le centre de mes mains et sous les pieds, il y a un rond de chaleur qui me brûle. Ça se produit surtout la nuit. Est-ce que c'est de l'énergie qui circule mal? C'est de l'énergie qui circule mal et c'est surtout un mécanisme de manipulation hautement spirituel qui tend à s'imprimer dans la biologie de la personne. Il n'y a rien de dangereux, ça peut être effectivement achalant, mais à un moment donné, il faudra que la personne finisse par clarifier ceci. Alors, il faudra qu'elle coupe des liens avec certaines choses et il faudra qu'elle les coupe d'une façon mentale intelligente. Il faudra qu'à un moment donné, elle comprenne l'absurdité de certaines choses. C'est à ce genre de questions, justement, qu'il est intéressant de répondre lorsqu'on a quelques heures à parler avec une personne, mais qu'on ne peut à peu près pas répondre en conférence parce que une petite réponse peut perturber la personne. Et une grande réponse, premièrement, on n'a pas le temps et ça ne regarde pas tout le monde, non. Qu'est-ce qu'on fait avec la question sur l'ajusteur de pensée? La semaine prochaine, je la garde. La semaine prochaine, on ouvre la conférence avec, parce que c'est un sujet qui regarde ce soir et qui regarde la semaine prochaine. Dans ce qui est la semaine prochaine, d'ailleurs, ce sont les mécanismes de l'amour intelligent. Alors, l'ajusteur de pensée va être celui qui va ajuster le savoir spontané par rapport à l'expression de l'amour chez l'homme nouveau, chez la femme nouvelle. Alors, ce qui fait que je la conserve. On ouvre la semaine prochaine avec cette question sur l'ajusteur de pensée au niveau de la conférence. Bien, c'est un rendez-vous vendredi prochain, donc pour les mécanismes de l'amour intelligent, accompagné de Daniel Kemp-Korotz. J'aimerais vous demander, avez-vous remarqué que tous les vendredis, il fait mauvais? Pensez à ça au niveau des manipulations et observez. Ce soir, quelqu'un a dit, il fait un temps de vendredi. Merci beaucoup, Daniel.